Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Alors bonjour, vous avez préféré la quête sur Yahvé aux pistes de ski. Bon, il n'y a pas beaucoup de ski, donc... Alors, malgré les vacances, voilà, on va continuer notre enquête sur l'origine d'abord géographique de Yahvé. Et ensuite aussi sur la question quel rôle dans ses origines jouent Moïse et les Madianites. Mais d'abord, nous allons reprendre brièvement ces quatre textes que nous avons déjà vus la semaine dernière, dont deux, en fait, nous dit que Yahvé est venu du Sinaï, ou quand tu sortais du Sinaï, Juge 5 et Deutéronome 33. Et ce Sinaï, apparemment, semble, dans Juge 5, lié au pays de Édom et des Séhir. Vous trouvez Séhir aussi dans Deutéronome 33 et Juge 5. Nous devons d'abord nous interroger qu'est-ce que c'est Séhir et quelle idée les auteurs bibliques avaient du Sinaï. Aujourd'hui, le Sinaï, on vous fait des voyages et puis vous fait monter sur la montagne de Moïse. On n'est pas tout à fait sûr que ça soit le Sinaï primitif, mais peu importe, c'est toujours un voyage tout à fait agréable. Mais alors, disons c'est moyennement agréable si on doit marcher à 3 heures du matin, mais enfin bon. Voilà, d'abord quelques mots sur Séhir. Séhir, donc, signifie poilu et désigne une région comportant des forêts, des montagnes à l'intérieur du territoire de Édom. Donc, grosso modo, le Séhir est délimité par le Tseret, qui fait la frontière avec Moab, et donc va jusqu'au golfe de Aqaba. Donc, c'est toute la chaîne montagneuse qui se trouve à l'intérieur, donc, d'Édom. Édom, dans la Bible, c'est beaucoup plus large, donc c'est toute cette région-là, et selon les moments historiques, en fait, Édom était aussi de l'autre côté, donc ici au Negev, quand on parle de Édom, on n'a pas une idée tout à fait précise de l'étendue du territoire. Mais toujours est-il, et là nous allons y revenir, qu'il y a une longue histoire entre Yahvé et Édom. Et peut-être même que Yahvé, à l'origine, était un dieu édomite et pas du tout israélite. Je vais essayer de vous faire la démonstration, mais une chose après l'autre. Donc, d'abord, Yahvé, dans ces deux textes, est appelé Zé-Zinaï. Zé-Zinaï. Donc, si on voulait traduire littéralement, il faudrait presque traduire Yahvé, c'est le Sinaï. Yahvé égale Sinaï. Donc ça voudrait dire à ce moment-là que Sinaï serait tout simplement un autre nom pour Yahvé. Ce qui n'est pas totalement impossible, mais il n'y a pas tellement d'autres textes qui permettent d'affirmer cela. Et puis, au niveau étymologique, Sinaï, personne n'a vraiment trouvé l'étymologie. Donc, si quelqu'un cherche un sujet de thèse, l'étymologie de Sinaï demande encore à être éclaircie. Donc, il n'y a pas tellement d'autres indications. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on a voulu, en fait, identifier secondairement la montagne Sinaï à Yahvé. Mais comme on va le voir, personne n'avait une idée très claire sur cette montagne, c'est peut-être pas la meilleure explication. Peut-être faudrait-il plutôt comprendre ici le démonstratif « zé » en parallèle, en analogie avec le pronom déterminatif « the » ou « thou » qu'on a par exemple à Ougarit. Et à ce moment-là, il faudrait comprendre « Yahvé, c'est celui du Sinaï hein ». C'est lui qui habite le Sinaï. Et là, nous avons en effet un parallèle tout à fait intéressant avec Doueshara, qui devient après Dushara ou Dussara, qui est en effet la divinité qui réside sur le mont Shara, qui se trouve dans la montagne de Petra. la divinité nabatéenne principale, qui ensuite, à l'époque grecque et romaine, a été identifiée à plusieurs divinités, à Zeus, à Dionysos et aussi à Hadat. Donc vous savez, les divinités, après, ils ont souvent des carrières assez complexes, ils peuvent être identifiés à plusieurs divinités. Donc Dushara devient Zeus au moment où c'est le dieu national des Nabatéens. Il est Hadat au moment où on a besoin de lire pour assurer la pluie, la fertilité. Et il est Dionysos au moment où on a besoin de lui dans les Thyas, c'est-à-dire dans des rencontres où on buvait beaucoup de vin en commémorant les ancêtres, les défunts. Donc, trois fonctions différentes. Donc, Dushara est probablement l'équivalent le plus proche de ce Zé Sinaï, Yahvé, celui du Sinaï. Mais comme je vous ai dit, la localisation du Sinaï primitif demeure un mystère. Alors parfois, vous avez des livres qui vous ont dit qu'on a vraiment maintenant, une fois pour toutes, découvert le Sinaï véritable. Pour le moment, je pense qu'on ne peut pas le dire. On a même l'impression que les auteurs bibliques n'étaient pas très au clair quant à la localisation du Sinaï. Hein ? Si vous regardez donc Juges 5, on a l'impression que c'est quelque part dans le territoire d'Édom. Donc ce ne sera pas sur la péninsule du Sinaï, ce sera de l'autre côté. Par contre, si vous prenez les textes que nous avons également déjà évoqués, là, on pourra peut-être quand même arriver sur la péninsule du Sinaï. C'est Deutéronome 33. La deuxième partie de ce verset 2 est assez compliquée. Restons d'abord à la première partie. Yahvé est venu du Sinaï pour eux, donc pour ceux de son peuple. Il se levait à l'horizon du côté de Séir. Il a resplendi depuis le mont Paran. Alors maintenant, autre mystère, Paran. Est-ce qu'on sait où c'est Paran ? C'est aussi compliqué que le Sinaï. Alors on connaît aujourd'hui un wadi qui est le Nahal Paran, qui en fait se trouve dans l'Araba. Mais ça, c'est un nom moderne. Dans la Bible, on a plusieurs utilisations de Paran. Par exemple, en Genèse 21, on nous dit que Ismaël, donc le premier fils d'Abraham, chassé par le patriarche suite à la demande de Sarah, va s'installer avec sa mère Hagar dans le désert de Paran, qui doit donc se trouver, selon l'idée de l'auteur, à proximité de l'Égypte, puisque Hagar, vous vous souvenez, c'est une Égyptienne, elle retourne ou elle se rapproche de son pays d'origine. Alors qu'en nombre 13, on n'est pas tout à fait très éloigné, mais là, ça doit se trouver à la proximité de l'oasis de Kadesh, puisqu'on mentionne le désert de Paran dans le contexte des espions que Moïse va envoyer pour explorer le pays à conquérir. Par contre, en 1 roi 11, là, on arrive à la péninsule du Sinaï, peut-être, puisque là, Paran est une station sur le chemin de Madian vers l'Égypte. Donc là, on raconte l'histoire d'un Hadat, un Édomite, qui doit s'enfuir et donc de David et qui, en fait, trouve refuge auprès du Pharaon. Et on lit, donc, parti de Madian, ils allèrent à... Madian, on va y revenir tout à l'heure. Ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès du Pharaon. Donc là, on a l'impression que c'est une station entre Madian et l'Égypte. Et au niveau étymologique, alors là, on pourrait imaginer que ce Paran correspond à l'oasis du Wadi Ferran, qui se trouve pas trop éloigné en fait du Sinaï actuel. Donc ici, là, vous avez le Wadi Ferran qui a en fait à proximité ce Djebel Serbal. Donc peut-être l'auteur de 1 roi 11 pense à une région sur la péninsule du Sinaï. Par contre, dans tous ces textes que je vous ai cités jusqu'à maintenant, c'est toujours Paran ou le désert de Paran, mais c'est jamais le mont Paran. Le mont Paran, vous le trouvez que deux fois dans toute la Bible. Donc on doit se poser la question si nous n'avons pas une sorte là de spéculation savante sur la localisation du Sinaï. Où est-ce qu'il se trouve ? Bah dans Paran, mais où est Paran ? Bah on va parler du mont Paran sans qu'on le connaisse vraiment. Donc je pense que c'est une sorte d'exégèse que font les auteurs bibliques à partir de l'utilisation très vague qu'ils connaissent de Paran et essayent de le localiser quelque part en route vers l'Égypte. Alors si on prend la deuxième partie, comme je vous ai dit, de ce texte qui est assez compliqué, je vais vous le remettre, je vous ai montré les difficultés de traduction, c'est déjà en fait une conjonction, donc ce n'est pas sûr que c'est vraiment entièrement la bonne traduction, mais si on peut traduire comme ça, on nous dit qu'il est arrivé à Meribat de Kadesh. Et donc là, si c'est juste comme traduction et comme reconstruction du texte, on se retrouvera donc à Kadesh, Kadesh qu'on peut en effet identifier à l'oasis En El Kederat, qui se trouve en effet en route vers l'Égypte et qui a connu trois phases d'occupation. Donc c'est en effet une oasis très importante pour les auteurs bibliques à l'époque de la monarchie, puisque ces phases d'occupation vont du début de la monarchie, du 10e jusqu'au 6e siècle. Donc ça veut dire que c'est lui qui a écrit ce texte, toujours sous condition que nous avons bien traduit ou bien reconstitué, ben, il a vécu à cette époque-là. Il n'a pas vécu avant, difficilement après, et il s'est en effet interrogé sur l'origine de Yahvé. Et finalement, le texte de Habakkuk. Là, nous apprenons encore autre chose. Nous avons eu Paran, maintenant nous avons Théman. Théman, Eloa vient de Théman. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on ne nous dit pas Yahvé, on nous dit Eloa. Pourquoi ça aurait été plus simple de dire Yahvé ? Eloa, c'est un nom divin qu'on trouve surtout dans le livre de Job, donc ce qui montre que c'est probablement un texte assez récent. Donc là, on nous dit que Dieu vient de Théman, Eloa, qu'on met en parallèle avec le Saint, donc Kadosh, le Saint vient du mont Paran. Donc en plus du mont Paran, maintenant nous avons Théman. Nous n'avons pas Sinaï, maintenant nous avons Théman. Alors, de nouveau, qu'est-ce que c'est Théman ? Théman, nous sommes de nouveau plutôt dans la région d'Édom, puisque en Genèse 36, Théman, c'est le nom d'une personne ou d'un clan dans la généalogie donc des descendants d'Ésaü d'Édom. Dans d'autres textes bibliques, que je ne vais pas tous vous énumérer, vous avez le mot Théman pour désigner une localité ou un territoire en Édom, ou même en parallèle à Édom. Donc Édom et Théman sont utilisés comme si c'est deux équivalents. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que nous connaissons en dehors de la Bible un Yahvé de Théman. Et toujours, évidemment, à condition que cette inscription qui est assez abîmée de Kuntilet Ajrut, donc Kuntilet Ajrut, nous allons y revenir plusieurs fois lors de ce cours, une des découvertes majeures des derniers 40-50 ans, puisque nous avons d'abord, puisqu'on a découvert, on ne sait toujours pas exactement ce que c'est, certains ont pensé à un sanctuaire, d'autres plutôt une sorte de relais, ce qui semble plus probable. On a même pensé à une école, mais c'est en plein désert, donc on ne va pas envoyer les enfants en plein désert à l'école, au moins si on veut avoir la paix peut-être. Mais enfin bon, donc c'est plutôt un relais. Donc on a fouillé au moment de l'occupation israélite du Sinaï, Et on a trouvé là vraiment des inscriptions tout à fait remarquables. Et dans cette inscription-là, si c'est bien reconstitué, on aura ici, à côté d'une inscription qui pose aucun problème, où on a un Yahvé de Samarie, nous avons un Yahvé de Samarie qui est bien attesté, nous aurons là aussi, c'est un peu discuté, mais la plupart des gens sont quand même d'accord pour cette reconstitution, on aurait donc un Yahvé de Théman. Ça veut dire, en effet, au 8e siècle avant notre ère, on vénéra des gens qui sont passés par Kuntilet Ashrut, ont vénéré un Yahvé de Théman. Ça nous montre qu'à cette époque, il n'y avait pas un culte central de Yahvé, mais Yahvé a été vénéré comme d'autres divinités du Levant ou de la Mésopotamie sous plusieurs formes. Yahvé de Samarie, Yahvé de Jérusalem sans doute aussi, mais aussi Yahvé de Théman. Et donc, le lexème de la racine Yod-Mem-Nun désigne d'abord le sud. Yamin, les Benjaminites, c'est ceux du sud ou de la droite. Donc Théman, est-ce que c'est une signification très très vague? Est-ce que ça dénote un lieu spécifique? C'est difficile de dire. Probablement, c'est un mot qui nous envoie vers le sud. Puisqu'on a cette inscription Yahvé de Théman, il faudrait probablement quand même penser, mais là, on ne l'a pas trouvé, que ça désigne quand même pas simplement un Yahvé du sud n'importe où, mais un sanctuaire spécifique de Yahvé. Seulement où, ça reste encore à trouver. Mais peut-être un jour, on le trouvera. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer cette enquête à partir des quatre textes, donc du Juge 5, Deutéronome 33, Habacuc et le psaume 68, on peut d'abord dire que Yahvé est clairement localisé dans le sud. Ça, c'est très clair. En territoire édomite, dans trois des quatre textes, et d'une manière plus générale, dans un territoire situé dans le sud-est de Juda. Ça, je pense qu'on peut l'affirmer avec quand même une certaine certitude. L'idée qui a été avancée récemment me semble l'idée donc de M. Pfeiffer qui dit que c'est une pure invention de l'époque exilique. Ça me paraît très peu plausible. Donc ça, c'était la dernière mode, c'est de dire que ces quatre textes, en fait, auraient été inventés à l'époque de l'exil pour sortir Yahvé de Jérusalem et pour le mettre dans le désert. Alors, deux choses par rapport à cette hypothèse qui, à mon avis, est un peu une aberration puisqu'elle se fait sur le seul plan littéraire, elle ne se pose pas tellement de questions historiques. Ça, c'est un peu, je dirais, les problèmes d'une certaine recherche savante, certes, mais enfin, un peu curieuse, allemande. Donc là, je ne peux pas tout à fait suivre ces idées. Donc l'idée de M. Pfeiffer, c'est de dire que, en fait, au moment où le temple a été détruit, on a voulu délocaliser Yahvé, et donc on s'est posé la question, où est-ce qu'on peut le mettre? Ben, mettons-le dans le sud. Alors, bon, je caricature évidemment un tout petit peu, mais si ça avait été vraiment le cas, on aurait pu faire ça de manière plus intelligente. Parce que nous avons vu que les textes ne concordent pas tout à fait entre eux, qu'ils ne sont pas très clairs, et surtout qu'ils suggèrent que Yahvé se trouve chez les Édomites. Alors qu'à partir de l'exil, les Édomites, ça devient les pires ennemis des Judéens. Donc, imaginez que des Judéens exilés ou rester dans le pays, aurait inventé cette idée que Yahvé vient de Édom, ça me semble peu plausible. Donc je pense que nous avons là quand même un souvenir historique d'une origine du dieu Yahvé qui, justement, n'a pas toujours habité ni à Jérusalem, ni à Samarie. Donc ça, je pense, nous pouvons l'affirmer quand même avec une grande certitude. Donc c'est des textes qui gardent en fait le souvenir que Yahvé a été à l'origine la divinité d'une ou de plusieurs montagnes, ça c'est pas non plus totalement exclu, qui se trouve dans le désert à l'est ou à l'ouest de l'Araba, probablement plus du côté de Édom, on y reviendra. Ça, je pense, c'est un résultat quand même assez fiable. Maintenant, avant qu'on se pose la question de la relation avec les Madianites, quel type de divinité décrivent ce texte? C'est quoi comme Dieu, ce Yahvé? Qu'est-ce qu'on dit sur Yahvé? Alors, premier constat qu'on peut dire, c'est un Dieu guerrier. C'est un Dieu de guerre, comme beaucoup de dieux dans l'Antiquité. C'est un Dieu dont trois des quatre textes, si vous le relisez, c'est un Dieu qui intervient dans des conflits militaires pour apporter du secours aux siens. Donc, c'est un Dieu qu'on évoque dans des contextes de guerre, mais c'est aussi un Dieu qui ressemble au Dieu de l'orage et de la fertilité, donc au type Hadad ou Baal à Ougarit. Nous allons encore le voir lors de notre enquête, Yahvé, c'est un Baal d'une certaine manière. Baal, comme vous le savez, n'est pas un nom propre à l'origine, simplement un titre, le Seigneur. Et c'est pour cela sans doute aussi que dans la Bible, il y a tellement de polémiques contre Baal et jamais contre El. On peut identifier Yahvé à El, ça nous allons le voir aussi, mais on rejette de manière très violente le culte de Baal. Et la réponse est tout simple à cette question. Pourquoi ? Pas simplement parce que Yahvé lui-même est un Baal. Il est trop proche de Baal, ils ne peuvent pas cohabiter. Au niveau de l'assimilation, c'est beaucoup plus facile d'assimiler deux choses qui sont très différentes. Donc de dire que Yahvé est aussi El, ça ne pose pas de problème. Mais de dire que Yahvé est Baal, bah, ça pose un problème parce qu'on ne voit pas très bien l'intérêt puisque le Baal d'Ougarit ou de Tyr ou de Sidon s'occupe en fait de même chose que le Baal de Jérusalem ou de Samarie. Mais ça, on y reviendra. Donc, une des caractéristiques du dieu de l'orage selon les textes d'Ougarit que nous avons à disposition, malheureusement, des autres Baal ou des Baalim, nous ne connaissons pas grand-chose, donc on peut toujours se concentrer sur Ougarit, c'est le combat contre la mer, contre Yam. Baal, à Ougarit, va combattre la mer, Yamou, et nous trouvons en fait des reflets de cela dans le psaume de Habakkuk. Est-ce que contre les fleuves que Yahvé est fâché, ta colère est-elle contre les fleuves, ta fureur contre la mer, lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chars de victoire, tu as ouvert un chemin à tes chevaux dans la mer, dans un bouillonnement des grands eaux. Ça correspond assez à ce que les textes d'Ougarit nous décrivent de Baal qui, pour en effet affirmer sa souveraineté, doit vaincre à la fin, ou doit se battre contre Yam, la mer, symbolisant en fait le chaos, ce qui menace la société, et Mot, Motu, la mort, contre lequel il ne peut pas tout à fait se battre, puisque de temps à autre, il va descendre chez lui et il est sauvé seulement grâce à sa sœur ou sa maîtresse, Anat. Mais ici, ce psaume de Habakkuk correspond assez bien à ce combat de Baal contre la mer. Ce qu'on a également pour les dieux donc de l'orage, c'est les tremblements de terre, l'affaissement des montagnes quand ces divinités s'avancent. Ah bah, on l'a vu en juge, la terre trembla, de même le ciel ruissela, les montagnes ruissellèrent d'eau. Donc il y a à la fois toute la nature est en ébullition et du coup aussi les cieux donnent de la pluie. Comme dans le psaume 68, la terre tomba, le ciel ruissela devant Dieu. Les montagnes te voient et tremblent dans Habakkuk. Et dans une hymne à Hadad, donc du deuxième millénaire, selon une traduction de Dominique Charpin, vous avez exactement déjà le même scénario pour Hadad quand il arrive, donc un rugissement puissant qui fait trembler le ciel et la terre à la tête haute, dans l'intensité de ses éclairs. Les éclairs, c'est évidemment très important aussi, fait pleuvoir violemment. Donc ces descriptions, en effet, correspond tout à fait à la fonction d'un dieu de l'orage. Également, l'idée du resplendissement, bon, ça, ce n'est pas simplement le dieu de l'orage, on peut le dire aussi du dieu solaire, mais nous avons là, je voulais vous montrer ça encore, nous avons là de nouveau en fait, un parallèle avec une autre inscription de Kuntilet Ajrud, assez abîmé, mais on retrouve en fait la même racine pour resplendir. Donc là, on trouve à Kuntilet Ajrut, lorsque Dieu a resplendu, Dieu ici c'est il, les montagnes se sont liquifiées, donc quelque chose qui correspond aussi à ce qui, dans nos textes que je vous ai montrés. Donc je pense en effet, là aussi de manière assez certainement, on peut dire que Dieu est d'abord, que Yahvé est d'abord un dieu de la guerre et un dieu de l'orage de type Hadad. Donc c'est un dieu guerrier, un dieu dont on a besoin justement dans des conflits militaires, mais dont on a aussi besoin pour assurer la fertilité. Et évidemment, il faut vous imaginer que dans des petits groupes dont on va parler maintenant, nomades ou semi-nomades, il n'y a pas un panthéon aussi complexe qu'on va le trouver ensuite en Mésopotamie ou en Égypte ou en Grèce. Les panthéons très très complexes présupposent toujours une société très diversifiée, très développée, alors que dans des sociétés plus modestes, bah, le panthéon est aussi plus modeste. Et donc souvent, vous avez quelques dieux, un dieu avec sa parèdre et quelques dieux qu'on a empruntés par ailleurs ou qui sont les fils, etc., qui doivent en fait faire tout et donc du coup peuvent évidemment accomplir plusieurs tâches qui dans des panthéons très complexes sont diversifiées. Donc Yahvé est un dieu de la guerre et de l'orage, nous allons le voir, vénéré par un ou des groupes semi-nomades habitant dans des régions arides, à Édom, aux alentours de Édom, et se trouvant en conflit militaire avec d'autres groupes, et peut-être aussi avec l'Égypte. Voilà ce qu'on peut dire sur Yahvé, représenté, disons, il faut s'imaginer un peu le dieu l'orage, comme ici, donc, avec donc souvent dans la main un arc, des éclairs, souvent cornus aussi, pour signifier sa force. Donc je pense que ça c'est quand même un premier résultat qui est important. Yahvé vient du sud, probablement de Édom. Il est un dieu de guerre et un dieu de l'orage. Mais maintenant, comment ces dieux, et j'aimerais pouvoir vous montrer dans la suite que c'est probablement un dieu édomite, alors que les édomites sont ensuite devenus des ennemis d'Israël, comment ces dieux édomites est devenu le dieu d'Israël. Voilà, c'est pour cela qu'il nous faut maintenant parler de Moïse et des Madianites. Alors, Moïse et les Madianites. Donc, selon le récit biblique du livre de l'Exode, Moïse fait la connaissance de Yahvé lors d'un séjour chez les Madianites. Au moins, dans une version qui se trouve dans les chapitres 2 à 4, vous avez vu en Exode 6, il est en Égypte, mais en Exode 2 à 4, c'est lors d'un séjour de Moïse chez les Madianites, où il est devenu en fait gendre d'un prêtre, hein, madianite, qu'il va rencontrer Yahvé. Et ce même prêtre, ce Jéthro, bah, nous allons voir, il a d'autres noms aussi, ce Jéthro va lui rendre visite un peu plus tard. Et ce Jéthro, prêtre madianite, va offrir le premier sacrifice pour Yahvé. Alors que les prêtres israélites, les Aaron et d'autres, ne sont même pas encore consacrés. C'est Jéthro qui offre un sacrifice pour Yahvé. Donc ces liens entre Moïse et les Madianites, c'est difficile d'imaginer, de nouveau, mais il y a toujours des gens pour le dire, mais ça aussi, je pense, c'est très difficile d'imaginer que c'est la pure invention. Pourquoi est-ce qu'on aurait inventé une tradition que Moïse a eu connaissance de Yahvé quand il était chez les Madianites? Pourquoi est-ce qu'on aurait inventé ça? Puis l'autre problème aussi, c'est que Moïse est marié à une femme madianite, ce qui contredit tout à fait aux lois du Deutéronome, aux intentions du livre d'Esdras, de Néhémie, qui sont totalement hostiles à ce qu'on va appeler les mariages mixtes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas épouser des femmes d'autres peuples, alors que Moïse, justement, le fait. Et c'est cette même femme, Tsipora, on y reviendra, cette même femme, elle va même sauver Moïse d'une attaque mortelle de Yahvé. C'est Yahvé même, ça c'est un texte très curieux, c'est Yahvé même qui va vouloir tuer Moïse et il est sauvé de Moïse par Tsipora. Mais on voit très bien que Tsipora a posé problème aux auteurs bibliques. Parce que dans le texte d'Exode 18, on va y revenir, on dit que Tsipora avait été renvoyée. Renvoyée par qui? Par Moïse, probablement, mais ce n'est pas dit. On a l'impression qu'ils sont très gênés avec cette histoire. Tsipora a été renvoyée. Et puis après, elle disparaît. On ne sait pas ce qu'elle devient. Alors, bon, les gens juifs, ils ont beaucoup d'explications après. Idem pour les deux fils de Moïse, qui disparaissent également dans la nature. Mais Tsipora, elle disparaît. Puis après, Moïse a encore une autre femme, une femme couchite, ce qui n'améliore pas son cas, parce que, évidemment, c'est aussi une femme qui n'est pas tout à fait cachère. On a voulu l'identifier à Tsipora, mais avec un succès, à mon avis, douteux. Donc, il y a quand même une tradition assez forte sur le lien entre Moïse et une femme étrangère, et d'abord Madianite. Donc voilà, la Bible nous montre déjà que, apparemment, là, nous avons un nœud important à dénouer. Mais, comme je vous ai dit, on ne va pas tout de suite toujours nous précipiter sur les récits bibliques. On va faire d'abord un détour par qu'est-ce qu'on peut savoir de Madian en dehors de la Bible. Parce que si vous voulez suivre la Bible, on aura dû se dire les Madianites, c'est simplement des gens affreux. Oui, parce que nous allons voir, il y a des textes où les Madianites, c'est pire que les Amalécites, c'est pire que les Édomites, c'est les pires ennemis. Mais alors, comment ces Madianites, qui sont devenus les pires ennemis d'Israël, sont ceux qui ont accueilli Moïse, qui lui ont transmis la connaissance de Yahvé? Voilà une question importante. Mais prenons d'abord le dossier archéologique. Archéologique, géographique. Parce que je vais plutôt commencer par une question géographique. Où se trouve Madian ? Pas tout à fait facile non plus. Je reprends le texte que nous avons vu tout à l'heure, le texte 1 roi 11. C'est en fait le seul texte dans la Bible qui parle vraiment d'un pays de Madian. On parle des Madianites, des rois des Madian, mais là on parle d'un pays de Madian. Alors donc, on a un groupe d'Édomites dont on nous dit, partis de Madian, ils allèrent à Paran, vous vous souvenez, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès du Pharaon, le roi d'Égypte, qui lui donna une maison, lui assura sa nourriture, etc. Donc là, en fait, on voit que l'Égypte est une terre d'accueil pour des réfugiés politiques. Ce Hadad doit se sauver de David. Et puis, il va devenir après un des grands adversaires de Salomon. Hein. Et puis, on raconte comment il est passé, en fait, en Égypte. Il est passé apparemment par le sud pour éviter les troupes de David qui descend du nord. Donc, on a passé par le sud. Donc, apparemment, de Édom, on est d'abord allé dans le sud pour ensuite aller du côté de Paran. Donc, il faut imaginer Madian, je vais y revenir plus en détail, ici, donc du côté est du golfe d'Aqaba. Donc, apparemment, ils sont partis de Édom, peut-être ici, et ont poursuivi leur chemin. Alors, probablement, l'étymologie vient d'une racine qui veut dire « s'étendre ». Madian serait alors l'étendue. L'étendue, sans doute à cause de ces vallées étendues. Madian se compose de deux ensembles, ici de la côte, avec des wadis où on trouve des oasis. Hein, donc, où on peut en effet faire, ici, là, dans les petits wadis, on peut faire de l'agriculture, et d'un haut plateau, ce qu'on appelle la chisma, qui est surtout peuplé de nomades, moins propice en fait pour l'agriculture et l'élevage. Alors, les géographes grecs et romains connaissent en effet une ville du nom de Madian, Midiama, qui se trouve ici, Albade, hein, qui apparemment était le centre de Madian. Madian est traversé par deux routes commerciales. Ici, la première qui longe, qui descend du golfe d'Aqaba et qui longe ensuite la côte de la mer Rouge, et puis une autre qui soit tout à l'est ou parfois aussi un peu par là, traverse en fait la Chisma et d'autres villes importantes de Madian, c'est ici Tabouk, mais aussi Charma, Charma, où on a trouvé, je reviendrai dans un petit moment, des céramiques madianites. Les Madianites sont donc un peuple qu'on peut caractériser comme une sorte de fédération, d'une cohabitation, mais à l'époque, c'est rien de très étonnant, entre des agriculteurs et des nomades. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui se reflète un tout petit peu aussi dans les récits des patriarches. Parfois, les patriarches sont plutôt décrits comme des agriculteurs, parfois un peu comme des nomades. C'est un peu ce deux types de vie qui peuvent cohabiter et qu'on transpose sur les patriarches. L'agriculture à Madian est surtout connue par ce qu'on appelle la run-off irrigation, ce qui devient après, je ne vais pas trop m'arrêter, mais ce qui devient très important après chez les Nabatéens. C'est-à-dire ils avaient en effet trouvé une technique tout à fait remarquable pour retenir l'eau très rare par une sorte de terrasse qu'ils ont créé avec des remblais de pierre qui retient l'eau quand ça vient de Wadi et qui permet en effet une irrigation beaucoup plus étendue, permettant donc même dans des régions arides une certaine type d'agriculture. Et on a d'ailleurs aussi apparemment un reflet dans le livre des Rois, où il est dit « Faites, on se va dit, de Gevim ». Alors, est-ce qu'il faut traduire des fosses? Là, j'ai repris la traduction. Est-ce que ce n'est pas plutôt des remblais, justement, pour retenir, en fait, les eaux? Donc, c'est des gens qui étaient quand même assez développés, paysans et éleveurs, et qui sont probablement aussi ceux qui ont en fait utilisé le chameau, plutôt le dromadaire. La domestication donc, commence dès le troisième millénaire en Arabie du Sud, mais arrive au Levant, peut-être via les Madianites, vers la fin du deuxième ou au début du premier millénaire. Que les Madianites sont connus pour les chameaux, bah, la Bible dit à plusieurs reprises, encore un texte de l'époque perse, de la dernière partie du livre Ésaïe, parle en fait d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madians et d'Épha. Donc les Madianites sont vraiment connus en fait pour leurs chameaux. Et le livre de Job met aussi Job un peu comme un Madianite en fait. Il est à la fois, si vous lisez sa présentation, il a du bétail, il fait de l'agriculture, mais il est surtout aussi propriétaire de chameaux. Donc Job, c'est un peu un Madianite. Et d'ailleurs, il est localisé dans le pays d'Outz, c'est pas exactement où c'est, mais probablement pas très très loin en fait de Madian. C'est pas encore à la fin du deuxième millénaire des Bédouins guerriers qui chevauchent les dromadaires pour faire la guerre, ça viendra au premier millénaire, et certains récits bibliques probablement ont cette idée quand ils parlent des Madianites. Alors, nous connaissons des Madianites une certaine céramique qui a d'ailleurs deux motifs qui reviennent constamment. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Bon, on peut se poser la question si c'est une céramique très très jolie, mais enfin, c'est là. Donc, vous voyez, c'est des autruches et des chameaux, des dromadaires. Donc, les deux animaux les plus importants pour les Bédouins. Le dromadaire, c'est clair. Les deux partagent en fait un monde dur et difficile, et l'autruche a été très respectée à la fois à cause de sa vitesse. Il a été chassé, bien sûr, à cause de ses plumes, mais aussi à cause de sa viande, bien sûr. Donc, autruche et chameau. Cette céramique a eu quand même une diffusion certaine. Donc, ici, ça, nous sommes à Madian, mais on a trouvé ce céramique dit madianite aussi jusqu'à la hauteur de Amman, Gaza. Donc apparemment, ils ont fait aussi du commerce avec cette céramique. C'était apparemment aussi des commerçants, j'y reviendrai. Ils étaient peut-être comme les chassous, mais peut-être pour les Égyptiens, les Madianites, c'était des chassous. Souvenez-vous, chassous, ce n'est qu'un nom générique très, très large pour parler de ces populations séminomades. Et apparemment, ces Madianites étaient aussi donc, impliqués dans l'exploitation minière. Donc, on en a parlé la semaine dernière de cuivre, aux alentours de Timna, pas trop loin donc de Eilat ou de Aqaba, une trentaine de kilomètres au nord. Et ce qui est très intéressant, à Timna, on a trouvé peut-être un sanctuaire madianite. Ce qui est sûr, c'est qu'on a récupéré un ancien sanctuaire égyptien qui a été dédié à la déesse Hathor, donc la déesse de la fertilité, la vache, ici plutôt représentée en forme humaine. Donc on voit très bien qu'on a récupéré ce sanctuaire qui est assez bien reconstruit, donc avec le Naos, le Saint-Saint, ici l'entrée, avec là des sortes de bétiles, de macébotes qu'on a trouvées. Donc c'est clair que c'est une récupération d'un sanctuaire égyptien qui était abandonné. On a même essayé, semble-t-il, d'éradiquer des hiéroglyphes qui se trouvaient, hein, pour mettre autre chose. Et donc on peut penser, en effet, que c'est des groupes nomades ou semi-nomades qui ont voulu apparemment faire une sorte de sanctuaire ressemblant à une tente. Parce qu'on a trouvé du côté, si je reviens... Non, excusez-moi. Voilà, si je reviens là. On a trouvé du côté des murs ici et ici toutes sortes d'étoffes, comme des couvertures en couleur avec de l'argent très très bien décoré, qui probablement servaient, si on suit Otmar Kehl, qui probablement servaient à créer un sanctuaire de tente qui ressemblait à une tente. Puis pensez ce qu'on dit dans la Bible, où est-ce que Moïse va rencontrer Yahvé d'abord ? Dans ce qu'on appelle le Ohel Moed, la tente du rendez-vous, de la rencontre, hein, où on entre pour voir ou pour consulter la divinité. Bon, il faut se méfier des rapprochements trop hâtifs, mais là, vous avez quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant. Donc, c'est clair qu'on a là un sanctuaire de style nomade qu'on voulait apparemment faire ressembler à une tente, où on a trouvé des petits objets, comme ce serpent, d'une dizaine de centimètres, avec une tête dorée, apparemment comme des offrandes qu'on a mises à la disposition de la divinité. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout de suite aller vers le serpent d'airain de Moïse, c'est beaucoup plus grand quand même, n'est-ce pas ? Mais voilà, il y a ce serpent. On a aussi trouvé une statuette, on ne sait pas, donc ityphalique, donc avec un sexe en érection, d'un personnage, on ne sait pas évidemment l'identifier, pas très grand non plus, je crois, une quinzaine de centimètres. Est-ce une divinité ? Est-ce... simplement un symbole de fertilité, c'est difficile de dire, mais il est clair que là, nous avons en effet, ça date grosso modo du 13e, 12e siècle avant notre ère, et nous avons donc là, en effet, les traces d'un sanctuaire que certains appellent un sanctuaire madianite. Bon, on peut aussi, pour être plus prudent, parler d'un sanctuaire chassou, pour utiliser un terme plus générique, mais qui, en effet, correspond à une certaine religiosité nomade. Alors, est-ce qu'il n'y avait que des stèles ? Est-ce qu'il y avait une statue ou des statues de divinité ? Cela est difficile. On a trouvé des statues, on a pas, disons des bétiles, des matzebot, les stèles, on n'a pas trouvé de grands statues à part de cette figurine qui est quand même assez petite. Mais c'est évidemment donc un indice aussi de la religiosité des groupes qui se trouvent là aux alentours où on imagine aussi Yahvé. Alors, qu'est-ce qu'on sait encore des Madianites ? Donc, ils étaient des agriculteurs, ils étaient des nomades, et à un moment donné, ils étaient aussi des commerçants. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont bougé. Ça, évidemment, c'est important pour faire passer des idées, pour faire passer, bien sûr, des marchandises. Dans la Bible, on trouve ça surtout dans le livre de la Genèse, où ce sont des marchands madianites qui vont vendre, qui vont chercher le petit Joseph de son puits pour le vendre, en fait, en Égypte. Disons, un texte qui est un peu hésitant, probablement on a rajouté après les Ismaélites pour les identifier aux Madianites, mais 37-36 dit en effet les Madianites avaient vendu Joseph en Égypte. Donc ils arrivent avec une caravane, avec les chameaux, et là évidemment ils font déjà le commerce des arômes, de l'encens et tout cela, ce qui évidemment présuppose une époque beaucoup plus récente, puisque c'est au plus tôt au 8e siècle que cela commence, mais apparemment les Madianites, ou ce que les auteurs bibliques donc appellent les Madianites, parce qu'évidemment ça passait par Madian pour aller en Égypte, étaient impliqués dans ce commerce de l'encens. Voilà, alors, avant de passer à la Bible, résumer ce que nous pouvons dire par rapport au dossier archéologique. Donc on pourrait dire ce sont des proto-arabes, mais donc tous les habitants de cette région, on peut les appeler les proto-arabes. Une organisation tribale, apparemment sans hiérarchie développée. C'est pas très bien si c'est des clans qui vivent en autarquie, est-ce qu'ils ont une organisation plus centralisée? Probablement pas. Ils élèvent du bétail, ce qu'on voit en Exode 2, mais encore dans un texte très très récent, en Judith, un texte qui ne se trouve pas dans la Bible hébraïque, mais dans la Bible grecque, où on parle en effet donc, des troupeaux, des moutons, des bœufs détruits par Holoferne. Et certains étaient donc nomades ou semi-nomades, comme c'est reflété aussi dans le texte Habakkuk, où on parle des tentes de Kushan, les abris du pays de Madian, en parallélisme donc pour désigner les habitants de cette région. Certains étaient sédentaires et pratiquaient l'agriculture autour des oasis, d'autres étaient chameliers, mais peut-être aussi des miniers. Donc quand on parle des Madianites, vous voyez, vous avez toute une panoplie de possibilités, mais ça veut dire aussi que vous avez des groupes qui ne sont pas des groupes très stables, ils ne sont pas localisés à un endroit précis, n'est-ce pas? Donc ça se trouve à proximité de Édom, ça peut même se confondre avec Édom. Les Madianites, ce que la Bible appelle surtout les Madianites, peuvent être simplement dans la tête des Égyptiens un de ces groupes de chassous et rien d'autre. Voilà, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit des Madianites? Alors là, d'abord, il faut dire que c'est un portrait très, très ambigu. Un portrait très ambigu. On a d'un côté des textes neutres, voire positifs, textes que j'ai déjà mentionnés, Moïse accueilli chez les Madianites, mais on a aussi des textes où les Madianites apparaissent comme les pires ennemis d'Israël, où on les traite avec une violence qui fait mal. Vraiment, on n'est pas à l'aise quand on lit ces textes que je vais vous présenter maintenant. Alors, il faut essayer de comprendre comment ça peut se faire qu'à l'intérieur de la Bible, vous avez un discours tellement diversifié, tellement contradictoire même, par rapport à ces Madianites. Comment on peut expliquer tout ça? Alors, nous commençons par les textes négatifs, comme ça on finira avec les textes positifs. Il y a deux ou trois textes dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, on raconte d'abord au chapitre 25 quand les Israélites sont arrivés donc, en Transjordanie. Donc passons justement peut-être du côté de Édom vers le pays de Moab, hein, puisque à ce moment-là, on raconte une sorte d'adultère, de débauche, de culte illicite. C'est un texte très très compliqué. D'abord, on a parlé dans les versets 1 à 5 des choses qu'il ne faut pas faire avec les filles de Moab. Et tout d'un coup, il y a un Israélite qui amène la Madianite. Donc on peut traduire une Madianite, mais c'est la Madianite. Donc pour dire, en fait, aussi, elle symbolise en fait ce peuple. Et donc, sous les yeux de Moïse, toute la communauté de fils d'Israël, alors cet Israélien, avec sa compagne, est ensuite massacré par Pinchas, petit-fils de Aaron, qui donc va suivre les deux et le tue, donc transperça apparemment le ventre de la femme. Disons, c'est pas très joyeux. Puis après, on apprend comment il s'appelle. Et à la suite de cela, Moïse appelle à la guerre. Disons, Yahvé dit à Moïse d'appeler à la guerre contre Madian, attaquer le Madianite et battez-les, car ils vous ont provoqué par la perfidie dont ils ont usé envers vous dans l'affaire de Péor, donc l'histoire de Baal à Péor, et dans celle de Cosby. Cosby, c'est le nom en fait qui est donné à cette femme. Cosby, c'est la voluptueuse, l'abondante. Ça peut même faire allusion à un nom d'une déesse vénérée dans certaines tribus arabes, Al-Kuzba, qui est ici donc tuée, et elle était fille d'un chef de tribu. On va connaître dans un contexte arabe, puisqu'on ne prend pas le mot hébreu régulier pour tribu, mais on prend umot, qui est umma, en fait, qui est un mot d'emprunt en fait de l'arabe. Donc elle doit être elle doit être tuée, elle sera tuée, et puis cela en fait donne le prétexte à cette grande guerre qui est relatée quelques chapitres plus loin dans le chapitre 31. Et là pareil, donc Yahvé dit à Moïse qu'il va venger les fils d'Israël du mal que leur ont fait les Madianites. Le seul mal, en fait, c'est qu'il y a un Israélite qui a amené une femme Madianite. Après, ça devient le mal que les Madianites ont fait à Israël. Donc, il faut donc les massacrer. Et ce qui est fait, on apprend à l'occasion qu'il y a 5 rois de Madian. Ça, c'est probablement anachronique parce qu'on n'entend jamais parler des rois de Madian, donc ça c'est certainement une idée d'un auteur qui écrit à une époque très très tardive, qui n'a pas trop d'idées ce que c'est les Madianites, avec des noms qui sont aussi assez difficiles à expliquer. Je ne vais pas aller dans le détail à 3h de l'après-midi, simplement pour vous dire que ces noms peuvent être identifiés pour la plupart avec des localités autour de Petra, de la ville de Petra. Donc apparemment, l'auteur a devant les yeux déjà, en fait, les Nabatéens, ce qui montre que c'est un texte assez récent. Et ces noms-là, Evi, Rekem, Tsur, Hur et Reva, vous allez le retrouver encore une fois en Josué 13, pas 31, en Josué 13, qui se réfère à cette histoire. Et puis Moïse, en fait, va encore aller plus loin, il va se fâcher contre les chefs d'Israël en disant « Pourquoi avez-vous laissé vivre les femmes ? Il faut tous les tuer. » Ce qui est fait dans la suite. Et ça rappelle évidemment un peu ce que Pharaon fait ou veut faire au début de l'Exode. Il dit qu'il faut aussi tuer tous les mâles. Là, on tue toutes les femmes pour qu'il n'y ait pas de descendance possible. Et donc, si on voulait suivre la logique de ce texte, les Madianites auraient dû être exterminés à la suite de ce récit. Or, ils réapparaissent, on juge 6 à 8 dans l'histoire de Gédéon. Ce qu'on constate aussi dans ce deuxième texte, un lien entre les Madianites et Balaam. Donc vous connaissez l'histoire de Balaam, ce devin qui est amené ou qui est appelé par les Moabites, par le roi de Moab, pour maudire d'Israël qui finalement n'arrive pas à le faire. Ici, il est mélangé à cette histoire puisque on dit les femmes ont entraîné par la parole de Balaam les Israélites au sacrilège envers Yahvé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout dans l'histoire de Balaam. Donc c'est déjà une sorte de midrash, de relecture de cette histoire de Balaam. La seule chose qu'on trouve dans l'histoire de Balaam, c'est que les Moabites sont accompagnés des anciens de Madian. Donc on les met ensemble, mais il n'est pas question en fait des femmes madianites. Donc ce qu'on peut dire pour ce texte, c'est que c'est un texte très très récent. C'est un texte qui a dû être écrit vers la fin de l'époque perse. On n'avait pas trop d'idées qui étaient vraiment les Madianites. Où les Madianites deviennent, probablement en reprenant un texte dont je vous parlerai la semaine prochaine, du livre de Juges, les Madianites deviennent une sorte de symbole pour tout ce que les auteurs de ces textes détestent. Les mariages mixtes, disons, l'union illicite avec des femmes étrangères, ce qu'on appelle les sacrilèges, mais ce qui n'est jamais trop explicité. Et c'est peut-être aussi déjà une sorte d'allusion aux Nabatéens, ce qui n'est pas exclu si c'est un texte qui a été écrit vers la fin de l'époque perse, au début de l'époque hellénistique. Mais ça, c'est un texte qui n'a aucun souvenir historique, c'est un texte qui reprend sans doute le récit de Juge Sisavite, qui est sans doute beaucoup plus ancien, on y reviendra la semaine prochaine, mais qui ici fait des Madianites une sorte de ennemi héréditaire dont il faut se débarrasser à tout prix, avec une violence quand même assez incroyable, allant donc jusqu'à l'extermination absolue. Donc là, nous avons l'œuvre d'un auteur qui se trouve un peu sur la ligne d'Esdras de Néhémie, mais qui peut-être encore est un peu plus radical, en prenant les Madianites pour tous ceux dont Israël doit se séparer. Ce sera un peu différent dans le livre des Juges et surtout dans d'autres textes où on va apprendre que Madian est un des descendants d'Abraham. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Et surtout, on verra la semaine prochaine comment les Madianites introduisent Moïse au culte de Yahvé. Et surtout, on se posera aussi la question qu'est-ce qu'on peut dire de ce Moïse sur le plan historique ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a existé ou est-ce que c'est là aussi une pure construction littéraire ? Mais cela pour la semaine prochaine. Alors, à jeudi prochain. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.